الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد مرحبا بكم Déjà je m'excuse pour la dernière fois, le DERF s'était annoncé, au dernier moment j'ai eu un contretemps qui m'a fait prendre comme on dit une déviation, changer de route, donc j'ai dû annuler le DERF à la dernière minute. Falmarzira. Donc on était rentré dans ce nouveau chapitre, qui est le cinquième chapitre min hadha al-kitab, wa min al-adab islamiyya, certains comportements islamiques à adopter, des comportements on va dire généraux. Donc, la dernière fois on avait pris quoi ? Adab al-mashi ila al-masjid, le comportement à avoir pour se rendre au masjid, c'est-à-dire de ne pas se précipiter si jamais on va rater une rakat, deux rakat, on marche. Et on fait preuve de quiétude. Sakina. Et on avait pris aussi le comportement dans le masjid. C'est-à-dire qui est plus en droit d'être derrière l'imam lors de la salat en jama'a. Et de ne pas se dissiper, se distraire juste avant la salat. De ne pas lever la voix, de ne pas faire des blagues aux gens. Ou de ne pas se disputer lorsque la salat va s'accomplir. Quand comme matis salat, quand comme matis salat. طيب اليوم سنأخذ أدبا جديدا ويناسب هذا اليوم ولو جاء متأخرا. Aujourd'hui on va prendre un nouveau comportement. Bon, ça aurait été mieux de l'avoir hier ou avant-hier parce qu'il est lié au Jumu'a. Mais Inch'Allah, ce sera pour celui qui ne sait pas appliquer à partir du Jumu'a prochain. Et pour celui qui se le rappelle, voilà. طيب. وهو الحديث الثالث وثمانين. 83e hadith de ce kitab qui est le 3e de ce fasl. Yaqul an Salman al-Farisi radiyallahu anhu. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam la yaghtasilu rajulun yawm al-jum'ati wa yatahharu mastata'a min tuhrin wa yudahhinu min duhnihi aw yamussa min tayyib baytihi thumma yakhruju fala yufarriqu bayna ithnayn thumma yusalli ma kutiba lahu thumma ينصتوا إذا تكلم الإمام إلا غفر لهما بينه وبين الجمعة الأخرى رواه البخاري. Donc dans ce hadith rapporté par Salman al-Farisi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit wa alaykoum as-salam, qu'il n'y ait pas un homme sans qu'il ne se lave le jour du vendredi, qu'il se purifie autant qu'il peut, qu'il s'enduise d'huile les cheveux ou autre, et qu'il se parfume avec le parfum qu'il a chez lui, puis qu'il sorte, c'est-à-dire pour se rendre au masjid, qu'il rentre au masjid, qu'il ne se sépare pas entre deux qui sont assis, puis qu'il accomplisse ce qu'il peut comme raka'at, nafila, et se taise lorsque l'imam parle, sans que cela ne soit pardonné entre ce jumu'ah et le jumu'ah qui viendra par la suite. Donc on voit à travers ce hadith que ce sont des causes de pardon. Et il s'agit là des sara'ir, des petits péchés. Fa'awalan arawi, le rapporteur c'est Salman al-Farisi. Radiallahu anhu. Alors il a été appelé Salman ibn al-Islam. Wa Salman al-Khayr. Salman il a une très grande histoire. Dans sa conversion qui est magnifique. L'une des plus belles histoires des compagnons qu'il soit. La 6e pour les gens, on va dire entre autres, qui ne sont pas nés musulmans. Bon, c'était là le cas de la majorité des sahabas. Ils ne sont pas nés musulmans. Ils sont nés mushrikoun. Et puis quand le Nabi Salam est venu, ils se sont soumis. Mais certains venaient de très loin. Et certains ont fait des grandes recherches, entre autres comme Salman. Salman qui était à la base un adorateur du feu. Et il a entendu parler, tout d'abord, il a vu des gens parmi les Nasara, les gens du livre, qui à l'époque étaient bien plus proches de la vérité que ceux de maintenant. Et ce qu'il a vu d'eux leur a plu. Et ensuite, il les a suivis. Bon, là, je fais vraiment résumé, hein, l'histoire, elle est plus détaillée que cela. Là, je fais vraiment résumé. Il les a suivis, puis il a adopté leur religion. Et il a vu un de leurs hommes, qui était sûrement un de leurs chefs religieux de l'époque, qui était exemplaire, de bon comportement, ainsi de suite. et il l'a côtoyé jusqu'à sa mort. Il a appris beaucoup de lui. Et ainsi de suite. Ensuite, quand cet homme est mort, il est parti voir un autre. Par contre, cet autre auprès de qui il s'est rendu était mauvais. D'accord ? Un mauvais homme. Et lui seul le savait parce qu'il l'avait côtoyé de près. Et ensuite, cet homme est mort. Il aurait pu dire, ouais, cet homme, il est mort, il était mauvais, c'est bon, j'arrête cette religion. Non. Il savait que l'homme qui était mort, son mal ne venait qu'à lui et non pas à la religion à laquelle il s'était apparenté. Car je vous dis, à l'époque, l'islam n'était pas encore répandu, donc il y avait des gens du livre qui étaient encore sur une vérité, à ce moment-là. Et il était sûrement parmi ces gens-là. Ensuite, on va aller comme ça. Ensuite, il a entendu parler d'un... L'un des hommes qu'il a côtoyé lui a parlé d'un homme dans un lieu où il y avait des nakhla, des palmiers. C'était un homme qu'il fallait rejoindre. En fait, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc Salman a voulu partir à sa recherche, le trouver. Et de là, il a rencontré une caravane de Yahoud qui se rendait vers Al-Médina. Et il est parti avec eux. Et eux, ils l'ont attrapé, ils l'ont pris captif et ils l'ont vendu comme esclave. D'accord ? Ils l'ont vendu comme esclave. Et ensuite, il était vendu, je crois, ou peut-être j'ai confondu, à d'autres gens qui, eux, partaient de Médina. Al-Mouvin, il était esclave de Yahoud. Et il est arrivé jusqu'à Médina. Allah a fait qu'il est quand même arrivé jusqu'à Médina. Et ensuite, il a rencontré le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a vu les signes de la prophétie sur lui. Parmi les signes qu'il avait, il savait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'acceptait pas les sadaqa, et qu'il avait le sceau prophétique qui était comme une marque avec des poils sur le dos. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam voulait que Salman tourne autour de lui. D'abord, Salman a testé. Il est venu avec une sadaqa. Il lui a proposé au Nabi sallallahu alayhi wa sallam. L'a refusé. Il a dit non, on ne prend que les cadeaux. Il a dit ça, c'est un signe de cet homme. Et c'est là, après, il a vu que Salman tourne autour de lui. Il a dit ça que tu cherches. Il a montré sa marque. Il a dit ça fait deux signes. Il a dit c'est lui que je veux. Ainsi de suite. Là, je vous raconte vraiment la chose. Elle s'est passée le hadith, il est long. Hein. J'ai vraiment fait un résumé. Car Salman aurait pu abandonner plusieurs fois. Et pourtant, il s'est accroché. D'accord ? Il a avancé jusqu'à ce qu'il arrive à son objectif, qui était de rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il a vu que c'était quoi l'islam et les autres en islam. Mais quand il était chez les gens du livre, il était sincère. Il croit que c'était la vérité, il était sincère avec eux. Et ainsi de suite. Ensuite, donc Salman, radiallahu anhu, a participé. On va aller comme ça là. Salman a participé, il a été dit qu'il a participé à la bataille de Badr. Et il est devenu un grand savant de l'islam et un zahid. Il a dit un ascète. Et il a beaucoup de fadra'il. Et c'était un perse, hein. C'était pas un arabe. Salman al-Farisi, d'ailleurs son nom le dit, l'indique, c'était un perse. Ce n'était pas un arabe. Et il a été dit qu'il est mort, radiallahu anhu, avant Ibn Mas'ud, qu'Ibn Mas'ud lui a rendu visite lors de sa mort. Et Ibn Mas'ud, il est mort en l'an 34 de l'Hégire. Ça veut dire que Salman est mort avant lui. C'est-à-dire qu'il est mort avant l'an 34 de l'Hégire. Mais la date exacte n'a pas été citée ici. En tout cas, il est mort peu de temps avant Ibn Mas'ud. Donc, pour revenir au hadith... Donc il dit, l'ayartasir rajulun yom al-jumu'a, qu'il n'y a pas un homme qui se lave le jour du jumu'a. À la base, pourquoi il cite un homme? Parce que le jumu'a est obligatoire pour les hommes. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, salat al-jumu'a wajiba ala kulli muhtalim. Rous al-jumu'a wajiba ala kulli muhtalim. Que le rous al-jumu'a est obligatoire. D'accord? Pour toute personne, à la base, pubère. Et le jumu'a est obligatoire pour les hommes de base, pas pour les femmes. Maintenant, toute personne qui se rend au Jumu'ah doit faire ce roussel, même une femme. Si une femme a dit « moi, aujourd'hui, je vais au Jumu'ah » de elle-même, elle doit faire son roussel. Par contre, celui qui ne se rend pas au Jumu'ah qui est excusé, par exemple un malade ou un voyageur ou autre, parmi les gens excusés, ils n'ont pas à se laver. Le roussel de Jumu'ah, c'est pour aller à la khutba et non pas pour le Jumu'ah en lui-même. Et ce roussel, on le fait à partir de Fajr, pas avant, quand le jour commence. Donc, on se purifie pour le Jumu'ah, d'accord, on s'embellit, comme on le dit, comme il a dit, yudahin min dohnihi, ça veut dire que la personne s'embaume, se parfume, mets des huiles sur lui, s'il y a des huiles sur ses cheveux, ainsi de suite. Tu t'embellis pour le Jumu'a et tu prends le meilleur de tes vêtements. C'est une sunna, ce qui est de plus beau comme vêtement que tu as. Le siwak également, c'est une sunna de Jumu'a. Le Jumu'a, il n'y a pas une sunna. Là, le but n'est pas de parler des sunna de Jumu'a. Donc l'homme, de base, c'est obligatoire pour l'homme, doit agir de la sorte. La femme ne se parfume pas, par contre, hein, si elle va au Jumu'a. D'accord ? Là, on parle vraiment de l'homme de base. Et la salat de Jumu'a, l'obligatoire. Et d'ailleurs, il y a un hadith qui dit, dans le sens où celui qui ne vient pas à trois Jumu'a d'affilée, que son cœur sera scellé. Il y a des gens, ce hadith, ils l'ont mal compris. Il y a beaucoup qui peuvent laisser trois Jumu'a et ils sont venus en quatrième. D'accord ? Ce Jumu'a, non, c'est pas ça qu'il veut dire. Il veut dire que si quelqu'un, Masalan, n'a pas pu venir. Ou alors qu'il a délaissé le Jumu'a, mais c'est une transgression. Qu'il sache que s'il fait trois fois cela de suite, la conséquence de son cœur, elle sera terrible. Mais de base, le Jumu'a est obligatoire. Dans le Coran, Allah a dit « Ya ayyuhal ladhina amanu nudiya min salati al-Jumu'a fa sa'un li dhikrillah » Au vous qui avez cru, lorsqu'on appelle la salat du Jumu'a, accourez-vous au rappel d'Allah. Donc, la salat du Jumu'a, elle est obligatoire. Mais celui qui la rate trois fois d'affilée sans excuse, lui, c'est pire encore. D'accord ? Mais ne pas croire le hadith que tu as droit à ne pas venir trois fois et tu viens le quatrième jour. Ainsi de suite. Ça, c'est une compréhension, elle est fausse. Elle est mauvaise. Le Jumu'a est obligatoire. Pour les hommes. D'accord ? Donc, il faut s'y rendre obligatoirement. Il dit ça veut dire que la personne, elle rentre chez elle, rentre dans le mosjid et elle ne s'assoit pas entre deux personnes. Alors, t'as une personne qui est là et une personne qui est là. Les deux, ils sont amis ou quoi. D'accord ? Il ne vient pas entre les deux. Il essaie de contourner. Ainsi de suite. Sauf si ces deux personnes n'ont rien à voir. Mais par exemple, ces deux personnes sont ensemble. D'accord ? Il y a un petit espace ou quelque chose. À la rigueur, il dit « pousse-toi vers ton ami que je vais me mettre là. » Mais il ne se met pas entre les deux. Ah oui, j'ai oublié de dire, et qu'il prend du parfum de sa maison, c'est-à-dire il se parfume. Pour le Jumu'a, on se parfume. À la base, sentir bon, c'est une sunna de façon générale, mais principalement pour le Jumu'a. Car c'est le jour où on se lave à la base, concrètement. Et il dit, qu'il accomplit comme salat ce qu'il peut. C'est-à-dire que là, c'est des salawats qui sont nafila. C'est pas les rawatib, comme avant le dhor. Le Jumu'a, il n'y a pas de rawatib. Il n'y a pas de salat nafila avant le dhor. Mais c'est le doha, en fait. Et c'est un jour où tu as le droit de faire salat doha, même à l'heure du zénith. D'accord ? Si jamais la salat du Jumu'a se fait après le zénith, et c'est la vie authentique, et que toi tu fais salat nafila juste à ce que l'imam il arrive. Tu peux faire 2 rakat, 4 rakat, 6 rakat, 8 rakat, comme ça d'affilée, ou même 2 longues jusqu'à ce que l'imam il arrive. Tu as le droit. D'accord ? Ce jour-là, particulièrement, tu as le droit. Ou alors, tu peux lire du Coran. D'accord ? Tu peux lire du Coran également. Puis l'imam, il vient. Donc l'imam, il vient. Il y a l'adhan qui se fait. Puis lorsque l'imam fait la khutba, yansit, tu ne parles pas. Pendant que l'imam fait la khutba, il est interdit de parler. D'accord ? Et au pire que quelqu'un ferait quelque chose de pas bien, tu veux peut-être un geste vite fait, par exemple, pour dire à quelqu'un de se taire. Ou quelque chose à faire, tu fais un geste. Par contre, tu peux avoir le droit de reprendre l'imam s'il se trompe. Ou si l'imam te parle. Car le Nabi Salam a déjà parlé à un homme qui était rentré dans la salle de Jumu'a. Et il s'est assis directement. Il a dit « Salat al-Rakatayn » il a dit « Kum wa sallihima » Et un homme s'est assis directement. Là, c'est aussi une chose qu'on a bien précisé, que lorsque tu viens pour le Jumu'a, tu dois faire 2 rakat avant de t'asseoir. Et ce hadith, c'est une preuve que tahiyat al-masjid est obligatoire. Quand tu rentres dans un masjid et que tu es en état de purification, il est obligatoire de t'asseoir, de faire 2 rakat à fond avant de t'asseoir. Et ce hadith, on est la preuve. Quand en pleine khutbah, l'imam s'est arrêté, il a dit à l'homme, est-ce que tu as fait 2 rakat? Il a dit non, lève-toi et fais-les. Donc ça prouve que c'est obligatoire. Donc, il y a un khidaf, on a dit c'est obligatoire. C'est recommandé, ainsi de suite, et en vrai, c'est que c'est obligatoire de les faire. C'est pour celui qui en a l'ozo. Si t'as pas l'ozo, tu peux t'asseoir. Al-Muhim, là, l'imam a parlé à quelqu'un. Et ce quelqu'un lui a répondu. Vous voyez ? Ce quelqu'un lui a répondu. Il y a des cas particuliers, comme cet homme qui est entré en plein Jumu'ah et qui a dit au Nabi Salem que les champs étaient détruits à cause de la sécheresse, de faire le doa pour le Sisqa. Il n'a pas allé pendant la khutbah. Il y a des cas, voilà, c'est des cas particuliers, mais de base, tu n'as pas à parler. Ni à jouer avec les cailloux. Il a dit au Nabi Salem, man la masal hassa wa l'imam yartou, faqad l'arawa. L'ara. Donc là, tu ne joues pas avec un caillou, ni avec un petit bâton, ni rien du tout. Et encore moins que le téléphone portable. D'accord. Et tu restes attentif à ce que dit l'imam. Donc celui qui est de la sorte. Alors il dit que lui, ses péchés lui sont pardonnés entre ce Jumu'ah et le Jumu'ah qui arrive. D'accord. Et là, il s'agit de quoi ? Des sara'ir, des petits péchés. Donc là, c'est un comportement qu'on doit adopter. Yom el Jumu'ah. Et par rapport au fait de parler, ou c'est la mas'ala, lorsque l'imam est amené à faire des du'as. Le ta'min, tu peux le faire, tu le fais à voix basse. Ou lorsque l'imam cite le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tu salis le Nabi à voix basse. D'accord ? Parce qu'à la base, il y a un rilève, un indice que la salat sur le Nabi est obligatoire. Et le ta'min, généralement, quand tu dis amin, généralement, à ce moment, l'imam ne parle plus, en général. Il y a aussi un tambi, une chose que beaucoup de gens, beaucoup ignorent. Une chose qui est très répandue, c'est le dua que font les imams après chaque khutbah, tous les vendredis. Il n'y a pas de dalil là-dessus. Tu as le droit de faire un dua, mais ils ont fait une sunna qu'après chaque khutbah, dua, dua, dua. Il n'y a aucun hadith qui dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait le dua à la fin de la khutbah à chaque fois. Là. Et des fois, tu fais le dua pendant la khutbah. Au début de la khutbah, tu fais un dua. Au milieu, à la fin. Ah, mais comme les gens le font à chaque fois de façon coutumière, qu'à la fin de chaque khutbah, ils font le dua, il n'y a pas de hadith qui dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait cela. Et ça, beaucoup de gens ne font pas attention. À force de le voir et d'y être habitué, ils pensent que c'est une chose à faire. On dit, ben, s'il faut le faire, il faut un dalil. D'accord ? Et ça, il n'y en a pas de dalil par rapport à ça. Mais de temps à autre, oui. Donc si demain tu vois un imam, il fait la khutbah, il descend directement dans une barre, tu dis, hey, il n'a pas fait le dua. Ben oui. Il peut ne pas faire de dua. D'accord ? Il ne faut pas être choqué. Les gens vont être choqués si tu fais ça. On dit, faire le dua, ce n'est pas une chose en soi répétitif. Ce n'est pas une sunna en soi. D'accord ? Taïb. Donc là, on a pris le charh ijmali à propos du hadith. Bon, pas avoir à le relire celui de ce qu'a dit l'auteur. فوائد الحديث استحباب المبالغة في التنظيف والتطهر والتزيين يوم الجمعة qu'il est recommandé de surenchérir dans la propreté, la purification et l'embellissement le jour du Jumu'ah. D'accord ? Ça veut dire tu peux y aller, mashallah. Ne lésine pas. Et c'est également valable pour les jours du Eid. ثانيا مشروعية الغسل يوم الجمعة وواجب لكل النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب لكل محتلم متفق عليه et qu'il faille se laver le jour du Jumu'a et que ce soit obligatoire pour celui qui va y assister car le Nabi صلى الله عليه وسلم il a dit le lavage du Jumu'a est obligatoire à la kulli muhtalim c'est le pubère à la base et c'est l'homme mais comme je l'expliquais si une femme se rend au Jumu'a elle doit faire son roussel. D'accord ? Elle doit faire son roussel. Thalithan, min sunnati an yattakhidha al-mar'u li nafsihi tiban wa yaj'ala istimalahu lahu 'adatan fiyudakhkhiruhu fi baytihi wa yata'akkad istimalahu li hudur al-jumu'ah. Qui fait partie de la sunna que la personne ait un parfum qui lui soit propre, qu'il garde chez lui, dont il se sert le jour du jumu'ah. D'accord, il le garde chez lui et qu'il s'en serve le jour du Jumu'ah, particulièrement. Rabi'an, mashru'iyati al-nafila yawm al-jumu'ati hatta yadkhul al-imam liqawli an-nabi sallallahu alayhi wa sallam summa yusalli ma kutiba lahu. Wa laysa lil-jumu'ati sunnat qabliyah. Et qu'également, qu'il est permis de faire des salawat surrogatoires le jour du Jumu'ah jusqu'à ce que l'imam il arrive, sans t'arrêter. Et ça, c'est le Doha, en fait. Salat Doha. D'accord, même à l'heure interdite où c'est le zénith, normalement c'est l'heure à laquelle tu fais pas le salawat, le jour de Jumu'ah, tu peux le faire. C'est une exception. Comme le prouve ce hadith. Khamisan takfir al-dhunub min al-jumu'ah ila al-jumu'ah mashrut bi wujud jami' al-mataqaddam. Et que pour que un Jumu'ah soit une cause d'expiation des péchés, il faut qu'il soit composé de ce qui était cité dans le hadith. C'est-à-dire se laver, se purifier, se parfumer, s'embaumer, s'habiller de la meilleure façon, de marcher avec quiétude et de faire des salats surrogatoires et de se taire pendant que l'imam parle et de ne pas diviser entre les gens. C'est pas entre les gens. Et aussi délaisser toute chose qui distrait pendant la khutba. Même si tu parles pas. Tout à l'heure, j'ai dit, par exemple, tu joues quelque chose, un bâton, ton lacet, ton téléphone, ou ainsi de suite. D'accord ? Ça, c'est des choses qu'il ne faut pas faire. Sadisan al-his ala tabkir al-jumu'a wa yustalli ma kutiba lahu wa la yatakhatta riqab al-nas. Voilà, yupti uhatta la yufarruk bein ethnein. Donc il faut venir tôt au Jumu'ah. Il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a divisé le Jumu'ah en plusieurs heures, celui qui fait la première heure, c'est-à-dire au plus tôt, c'est comme s'il avait fait sadaqad, hein, il avait sacrifié un dromadaire. Ensuite, c'est un mouton. Ensuite, c'est une poule. Et ensuite, c'est un œuf. Plus tu viens tôt, plus la récompense elle est grande. Qu'il faille se taire, mashruyat al-insat li khutba wa wajib. Se taire durant la khutba et salat obligatoire. Thaminan tahrim al-kalam fi al-khutba wa in kana amran bi ma'ruf aw nahiyan 'an al-munkar aw tasbihan wa kadha al-akl wa ash-shurb wa al-kitaba. Qu'il est interdit de parler pendant la khutba. Même si c'est pour ordonner un convenable ou interdire un blâmable. Ou faire le tasbih. Ou même de manger ou de boire. Ou d'écrire. Maintenant, Shamokbil, il dit que si jamais l'imam fait une khutba d'une chose qui n'est pas légiférée, ou qui parle de bid'a, tu n'es pas obligé d'écouter. Tu fais le tasbih. D'accord ? Tu fais le tasbih. Par exemple, vous voyez l'exemple des imams que lorsque leur khutba ils viennent et ils te font un discours politique, ils t'appellent à aller voter ou je ne sais quoi. D'accord ? Ils disent que c'est pas pour le Jumu'ah. Le Jumu'ah, c'est pour évoquer Allah Azawajal et son messager sallallahu alayhi wa sallam. La khutba, elle n'est pas faite pour ça. C'est pour appeler les gens. D'accord ? Et les écrire Allah Azawajal. Ou qu'ils parlent de choses de bid'a. Par exemple, ces jours-ci, c'était le cas avec le mot Oulid, mathalan. Car ça ne fait pas partie du rappel. Car ça rentre dans la bid'a. Donc à ce moment-là, il dit quoi le shir ? Tu fais le tasbih. D'accord ? Avec tes doigts, tu fais le tasbih, ainsi de suite. Tasiran al-nahi an-tahatti yom al-jumu'ati illa li-sabab. Et qu'il n'est pas permis de, comme on dit, de séparer entre les gens quand on marche dans la masjid au Jumu'ah, à part dans certains cas. Entre autres, si l'imam y rentre, par exemple. L'imam y rentre, il passe entre les gens. La salane. Ou celui qui veut faire manioler des nusol un yasil sauf al munqati'. Celui qui veut aller vers un rang, mathalan, qui est coupé et qui ne peut y parvenir qu'en passant entre deux personnes. Parce que combler les rangs, c'est obligatoire. Donc à ce moment-là, il peut. Man yuridu rujou' ila mawdi'ihi allazi qama minhu lidarura. Ou celui qui veut retourner à l'endroit d'où il vient pour un besoin. Et que par ça, il oublie de passer par entre deux personnes, il peut le faire. D'accord. Donc des fois quand il y a une haja, tu peux le faire. Sinon, évite. Non, ça c'est le hadith qu'on a pris aujourd'hui, Minad al-Bab. Thumma al-hadith arabi' wa thamanun wa warabi' min hadha al-fasl. Donc le 84e hadith du kitab, qui est le 4e de ce fasl, qui est adab al-sadaqa, le comportement lors de l'aumône. Et là, on parle de l'aumône qui est غير الواجبه parce que des fois sadaqa dans le Coran elle vient dans le sens de zakat. Dans le Coran Allah Azawajal il utilise le mot sadaqa pour dire la zakat. La zakat est obligatoire quand les conditions sont remplies. Là on parle de la sadaqa, celle qui est une aumône surrogatoire. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يذلهم الله تعالى في ذله يوم لا ذل إلا ذله إمام عدل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد وبالمساجد نعم ورجلان تحب في الله واجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه. Donc le hadith il est long, il y a un shahid dedans, mais le hadith on va en parler brièvement. Donc selon Abu Huraira, il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'il y a 7 catégories de personnes qui seront ombragés par l'ombre d'Allah le jour où il n'y a nulle autre ombre que la sienne. En premier lieu, il dit un imam juste. Là, ce qu'on dit un imam, c'est... On va traduire, on va expliquer après. Un imam qui est juste. Un jeune qui aura grandi, qui aura évolué dans l'adoration d'Allah Azzawajal. Un homme dont le cœur est accroché au masajid. Deux hommes qui se sont aimés à Allah, qui se sont réunis pour lui, et qui se sont séparés pour lui. Un homme qui est convoité par une femme de haut rang social ou autre, est très belle, et à qui il répond, j'ai peur d'Allah. Cet homme répond à cette femme-là, j'ai peur d'Allah. Et un homme qui aura fait une sadaqa, wa'ada wa shahid, c'est ça qui nous concerne dans le hadith, dans ce bab-là, qui a fait une sadaqa, tellement discrète que sa main gauche ne sait pas ce que sa main droite a donné. Tant il était discret dans ce qu'il a fait. Et pour finir, un homme qui évoque Allah Azawajal, seul, isolé, et qui se met à pleurer. Donc ces 7 catégories de personnes seront sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y a nulle autre ombre que la sienne. Fawalan yu'alam, cette ombre-là, c'est l'ombre, ce n'est pas une sifat d'Allah Azawajal. D'accord. Là, ce qui est voulu par là, c'est l'ombre de son arche. C'est une ombre qui est créée. C'est l'ombre de son arche, de son trône. Et ça, c'est le jour de terreur où le soleil s'approcha des gens. D'accord. Où certains seront pris dans leur sueur jusqu'à la tête. Et ainsi de suite. Et ce jour-là, certains seront ombragés par cette ombre-là. Qui sont-ils? Des gens qui rentrent dans ces 7 catégories de personnes. C'est valable pour homme comme pour femme. Le hadith dit Rajoul, mais c'est un terme qui est général, que les femmes également rentrent dedans. Du moins dans ce qui les concerne. Il dit en premier lieu Imam Adloun. Donc là, Imam, ce qui est voulu par là, c'est un gouverneur. Ou un homme d'autorité. Un homme qui a une responsabilité. C'est pas un imam de masjid là. Parce que le mot imam, il est employé dans différents termes, dans différentes situations. D'accord. L'imam Arvam, c'est le gouverneur. Là, ce qui est voulu, c'est un gouverneur ou une personne qui a un rang d'autorité sur une population ou une responsabilité. Vers qui les gens reviennent pour des jugements, ce genre de choses. Donc lui, cet imam qui est juste, c'est-à-dire qu'il juge avec justice, donc pour vous dire, tellement c'est difficile et tellement c'est noble qu'il rentre parmi ces gens-là. Car aujourd'hui, faire appliquer la justice est une chose qui est presque à grande échelle, hein, impossible. À grande échelle, presque impossible. Déjà, nous-mêmes, dans nos foyers, on a du mal. Des fois, juste avec l'épouse et quelques enfants, on n'y arrive pas à être juste. Alors que dire d'une personne qui a des pays entiers, un peuple entier, hein, à sa gouverne. Et quand je dis gouverne, c'est bien sûr avec l'obéissance d'Allah Azzawajal. Donc c'est très très difficile. Donc, d'où le mérite de celui qui agit de la sorte, qui sera parmi les gens ombragés ce jour-là. Deuxième, Cheb Nasha'a fi ibadatillah. Un jeune qui aura évolué et grandi dans l'adoration d'Allah Azzawajal. Parce que le jeûne, généralement, il est amené à être distrait. Il aime jouer. Il aime il a de l'énergie. Il aime la vie plus que l'homme qui est âgé. Il veut découvrir les choses. Il veut beaucoup jouer. Donc pour lui, c'est encore plus dur parce que quand tu arrives à cet âge, tu te poses. Tu te cases. Donc c'est plus facile. D'accord ? Alors que le jeûne déborde d'énergie. Donc un jeûne qui arrive à se canaliser et à mettre cette énergie-là dans la ribada, eh ben il a un grand mérite. Mais vous voyez, c'est rare de trouver des jeunes comme ça. Très rare. D'où le fait qu'il y ait un grand mérite. D'accord ? Et que ce jeune-là, c'est-à-dire qui aurait été bien éduqué, suivi par ses parents ou par ses responsables, qui apprend la religion, qui fait talab al-ilm, d'accord, qui fait l'adoration, qui se préserve et autres, lui, il a un grand mérite. Et bien sûr, c'est pas juste dans sa jeunesse, il fait ça, après quand il devient grand, il continue là-dessus. Mais il a commencé jeune, en fait. D'accord ? Il a commencé jeune. Donc lui, et ça c'est pareil pour une fille également, c'est pour le garçon et c'est pour la fille. Tu verras une jeune fille, bien couverte, d'accord, qui remplit son rôle de fille, qui ne sort pas, qui reste chez elle, pudique, et qui est dans l'adoration, elle également, elle rentre dans le mérite. Elle rentre dans le même mérite. ثم قال ورجل قلبه معلق في المساجد. Un homme dont le cœur est accroché au masajid. Là, l'auteur il explique. C'est pas un homme qui passe le matin au soir dans la mosquée à faire des zikr. Là. Ça, c'est un homme qui, lorsqu'il faut se rendre au masjid, il aime y aller. D'accord ? Salat al-jama'ah, dès qu'il peut y aller, il y va. Il aime passer du temps au masjid quand il a du temps libre ou quoi. Mais, s'il a d'autres obligations en dehors, il les fait. Aujourd'hui, les gens doivent travailler, doivent faire des choses. C'est pas tellement au masjid, la salat, à faire des askar, des tasbih, et ta famille à côté, ils sont en galère. Maintenant, si tu es célibataire, tu fais ta labirim, c'est autre chose. Tu n'as pas de charge financière, tu n'as personne à ta charge, tu as du temps libre, quand même. Mais sans quoi, ce qui est voulu par là, c'est pas pour dire aux gens de délaisser leurs occupations et de rester au masjid du matin au soir. C'est pas ça qui est voulu. C'est quelqu'un qui aime se rendre à l'eau. Quand il va au masjid, il est heureux d'y aller. Il se sent bien dans le masjid, ainsi de suite. Même s'il ne reste pas longtemps, quand il y est, il se sent bien, son cœur est accroché. Dès qu'il y a une occasion d'y aller, il y a un ders, il y a la salat, il y a une occasion, une chose légiférée qui se déroule, il aime s'y rendre. Et quand il part, il aimerait que ça dure encore, mais il faut qu'il parte. Vous voyez ? Parce que dans le Coran, Allah a dit « Wala tansa nasibaka min ad-dunya » N'oublie pas ta part dans la dunya, tu as des choses à faire, tu as des gens qui ont des droits, et ces droits-là, c'est pas la mosquée que tu veux les trouver forcément. Donc tu fais ce que tu as à faire, mais dès que tu as l'occasion, que tu peux, va au masjid. Et les moments obligatoires aussi, il faut que tu y ailles. Bab aoula. Il a dit deux hommes, et c'est également, comme on dit, deux femmes, d'accord, qui se sont aimés à Allah, se sont réunis pour Allah et sont séparés pour Allah. Et ça rentre dans quoi ? Al-wala wa al-bara. L'alliance des aveux. C'est-à-dire tu aimes une personne pour Allah, c'est-à-dire que tu aimes une personne parce qu'elle fait ce que Allah Azzawajal, il aime. D'accord ? C'est pas tu l'aimes pour d'autres choses. Tu l'aimes parce qu'il t'apporte des privilèges. Tu l'aimes parce qu'il te fait rire. Tu l'aimes parce que ceci, cela. Ça, c'est à part. Tu peux l'aimer parce qu'il est marrant, certes, mais de base, tu l'aimes pourquoi ? Pour sa religion. Parce que tu as des comiques nouveaux, ils sont marrants, mais c'est des pourritures. D'accord ? Ces gens-là, on ne les aime pas. Il t'a fait rire, bon, j'ai rigolé, mais voilà, dans ton cœur, tu n'as pas d'amour pour lui. Et demain, tu peux avoir un frère, tu l'aimes à la base, pourquoi ? Pour son accroche à la religion. Et si en plus, il te fait rire, alhamdoulilah, mais il te fait rire dans les limites. C'est pas de faire rire le matin au soir et ton cœur, il devient dur, tu oublies Allah Azzawajal. Et il fait rire dans la vérité. Hein. C'est pas de faire des blagues mensongères aussi, ou des blagues obscènes ou quoi. Il te fait rire dans le halal. Donc là-bas, c'est que tu l'aimes pour sa religion. Il est de religion droite, d'accord ? Et il t'apporte un profit religieux. Donc tu as un amour pour lui. Tous les deux vous aimez pour ça. Pourquoi ? Pour Allah Azzawajal. Donc ils se réunissent pour Allah, pour une cause légiférée, une bonne cause. Et ils se séparent également. Le hadith, il veut dire ils se séparent pourquoi ? Pour des choses qu'ils doivent faire. Ou alors ils se séparent parce que tu as un des deux qui a mal tourné religieusement parlant. Donc ils se séparent. Pendant l'été droit. Et l'autre, il est devenu moins droit. Ou les deux ont commencé à avoir des... D'accord ? Eh bien, celui qui sépare... De... Non, cet exemple-là, il rentre pas dans le hadith. Mais celui qui sépare de l'autre, pour des raisons religieuses légitimes, d'accord ? Et il rentre dans le hadith. Il rentre dans le hadith. Et c'est valable pour les hommes, comme pour les femmes. Ça veut dire que les gens, cet amour que tu as pour eux, c'est pour Allah, Azzawajal. C'est-à-dire des gens, ils s'aiment pour un intérêt. Même si de base, il est licite cet intérêt-là, c'est pas un intérêt qui fasse que tu dois avoir un... C'est pas un amour pour Allah, en fait. Tu vois ce que ça veut dire ? C'est pas un amour pour Allah, Azzawajal. Il n'est pas forcément interdit, mais c'est pas ça l'amour en Allah. Par exemple, demain, t'as un collègue de travail, tu l'aimes bien. Donc vous réunissez pourquoi ? C'est quoi la cause qui fait que tu le vois tous les jours ? Pour le travail. Pas pour Allah. Maintenant, il peut être... voilà. Mais s'il n'y a pas le travail, tu le verrais peut-être pas, tu vois. Alors que celui que tu aimes pour Allah, tu veux le voir pour Allah Azzawajal. Quand tu as du temps libre, tu vas aller le voir. Il y a une occasion, tu vas le voir. Ainsi de suite. Après, il a dit « Rajulun da'atum ra'atun zat mansab wa jamal. Faqalaini akhafullah. » Un homme qui est appelé par une femme à faire les turpitudes. Ça, c'est, cette histoire, c'est comme celle de Youssouf alayhi salam. D'accord ? C'est comme celle de Youssouf. Et cet homme est appelé par une femme, pas n'importe quelle femme. Une femme à haut rang, et qui plus est une femme qui est belle. D'accord ? C'est-à-dire tout normalement pour faire, on va dire, flancher un homme qui ne craint pas Allah. Une femme belle, une femme de haut rang, et en plus c'est elle qui t'appelle. D'accord ? C'est pas toi qui vas vers elle ou quoi, c'est elle qui t'appelle. Ce qui est encore plus dur. Donc celui qui arrive à dire, à refuser cette femme-là, et à dire j'ai peur d'Allah, alors lui il est parmi ces sept-là. Ce qui prouve que c'est une grande fitna. D'accord ? C'est une très grande fitna. Et là, et plutôt que de se retrouver dans cette situation de dire j'ai peur d'Allah, sans t'arriver pas à le dire, et ben tout simplement t'évites les femmes. D'accord. T'as vu une situation qui t'expose à ça. C'est tout. Comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Parce que t'en as, ils vont le faire. Tu vois, ils disent, ouais, Fulena, c'est bon, il n'y a rien entre elle et moi jusqu'au jour où il se passe ce qui se passe malheureusement. Ça vient sans prévenir. Donc la porte, c'est quoi ? C'est ben, laisser une barrière. Tout simplement. Et il a dit, Nabi Sassam, qui n'a pas laissé de fitna plus nuisible pour l'homme après sa mort que les femmes. D'accord ? Que les femmes. Et il a dit, wa iyyakum ad-dukhul al-nisa. Prenez garde à ne rentrer auprès des femmes. Et encore plus rester isolé avec elle. Donc mettre une barrière entre les hommes et les femmes, car cette fitna, elle est immense. Et elle a fait bien des dégâts, malheureusement. Ensuite, il dit, et c'est ça le shahid du hadith, qu'il y a un homme qui a fait une sadaqa, si discrète que sa main gauche n'a pas vu ce qu'a donné sa main droite. D'accord ? Donc celui qui, quand il fait sadaqa, le comportement à avoir, c'est discret, autant que possible. C'est la base. Ça t'évite quoi ? Ria. L'ostentation, tu vois ce que ça veut dire ? Maintenant, il y a des cas où ça peut être bien de le faire ouvertement. Quand par exemple, c'est pour amener d'autres gens à le faire. Ils te voient le faire, tu le fais. Dans le Coran, elle a dit « In turfu sadaqa ou tubduha, fa wa khayrun lakum. » Ou « In turfuha tubduha » J'ai oublié le verset, sur Sourate al-Baqara. Où est l'aïa ? Si jamais vous la cachez ou que vous la faites en public, c'est un bien pour vous. Et certains ulama disent que le public, ils veulent parler, ils veulent, ce qui est voulu par là, c'est la sadaqa, c'est la zaka. D'accord, c'est la zaka. Mais en réalité, même une sadaqa surrogatoire faite devant des gens, parce que des fois, tu ne peux pas vraiment échapper ni rien du tout, tu l'as fait. D'accord ? Eh ben, il n'y a pas de mal. Mais quand tu es discret, c'est mieux. Tu vois, c'est mieux. Mais des fois, il ne faut pas non plus qu'elle l'œuf. Des fois, tu fais le sadaka à quelqu'un, tu viens, tu mets ta main en direct, tu fais plein de manières. Donne-lui, mon frère. Donne-lui. T'es sincère. Tu vois, donne-lui. J'ai vu des gens faire des sadaka, mon frère, on dirait vraiment. Excusez-moi les mots, je dirais un dealer qui passe une dose, tu vois, tant il va se cacher que personne ne le voit. Dis, c'est sadaka, mon frère. Si on t'a vu, c'est pas grave, c'est pas haram. Tu vois, Allah, il connaît ta nia. Mais c'est vrai que quand tu es discret, c'est mieux. C'est tout. Mais c'est pas wajib. Et tu ne dis pas si on m'a vu, t'as ça d'accord, elle est bâtie là. Jamais. Si tu es sincère, tu as fait devant des millions de personnes, tu es sincère. D'accord ? Tu es sincère. Mais de base, le meilleur dans ça d'accord, et comme beaucoup d'actes d'adoration qui sont entre toi et Allah Azawajal, c'est la discrétion. C'est le mieux. Et pour finir, elle a dit « Rajulun zakarallahu khaliyan fafadat aina » Un homme qui a évoqué Allah Azzawajal, isolé, dans l'intimité, et qui s'est mis à pleurer. Le rappel d'Allah l'a fait pleurer. Et comme Kazalik, c'est valable pour l'homme comme pour la femme. Et c'est des pleurs de rappel. La cause de ces pleurs, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, c'est pas il pense à un autre qui est triste au moment où il... Non, c'est Allah, le fait de se rappeler d'Allah Azawajal, qui l'amène à pleurer. Donc ces sept catégories de personnes sont sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y a d'autre ombre que la sienne. Yaqul Fawaid al-Hadith بيان ثواب وفضيلة الإمام العادل الذي يحكم بشرع الله ويلعى مصالح العباد. Ce qui montre la grande récompense et le mérite de l'imam, c'est-à-dire du gouverneur, qui est juste et qui juge selon la charia. Et ça, le but. Il juge avec le haut d'Allah, azawajal. Car quand tu ne juges pas avec le haut d'Allah, azawajal, t'es forcément injuste. Dans le Coran, elle a dit وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. En premier, il a dit le kafirun, après le zalimun, après il a dit le fasikun. Celui qui ne juge pas parce qu'Allah a fait descendre, sont eux les koufars, mécréants, sont eux les injustes, sont eux les pervers. Et ça peut être kufr akbar, ça dépend de la personne, du détail. Quoi qu'il en soit, à partir du moment où tu juges par autre que celle de la loi d'Allah, azawajal, ou que tu fais dans un endroit où il y a une loi d'Allah, bien sûr, hein, et que tu vas à l'encontre de ce qu'Allah azawajal l'a décrété, toi tu fais autre chose, tu as été injuste. Même si tout le monde est content, dit ouais, c'est bien, c'est sage que tu as dit, non, tu as été injuste. D'accord ? Tu as été injuste. Donc celui qui fait cela, entre les gens qui jugent, même si ça déplaît aux gens, mais qu'il a appliqué avec la justice, eh bien, il rentre dans ce mérite. ثانياً فضل الشاب الذي شب ونشأ في طاعة الله ولم يزاول المعاصي ولم يقترف الفجور. Donc le mérite du jeune qui grandit, évolue dans l'obéissance d'Allah Azawajal et qui ne commet pas de désobéissance et qui ne commet pas non plus de turpitude. Il se préserve et il est chaste. Thalithan al-hath ala al-tahab fillah wa bayyan idham fadlihi. Que la religion incite à s'aimer en Allah et qui montre la grandeur, le grand mérite de ce sentiment. On va dire de la sorte. Rabi'an فضل المشي للمسجد والصلاة فيه وانتظار الصلاة بعد الصلاة. Et qui montre le mérite de se rendre au masjid et d'y accomplir la salat et d'attendre une salat à une autre. Ça, c'est pour celui qui peut le faire. Car d'attendre une salat à une autre, quand tu as le temps libre, par exemple, tu restes au masjid entre Maghrib et Isha, par exemple, tu lis du Coran, tu fais une révision où il y a un dersa ou quoi, tu es en salat en fait. D'accord ? C'est comme si tu étais en salat. Et tu rentres dans ce mérite de cette personne-là dont le cœur est accroché au masajid. خامساً فضل العفاف والإعراض عن الفاحشة مع توفر دواعيها خوفاً من الله تعالى. Ce qui montre le mérite de la chasteté et de se détourner des turpitudes en présence, malgré soi, hein, en présence des tentations, par peur d'Allah Azawajal. Et là, ça revient à la partie où il dit de cet homme qui était séduit par une femme, belle et de haut rang, qu'il appelle à commettre l'interdit. Attention maintenant, il y a des gens, ils peuvent mal comprendre la parole de l'auteur. Ça, c'est le cas de beaucoup de Awam. Dans les pays de Kufr, dans les pays d'Islam, ils disent, vous, les gens pays de Kufr, vous êtes plus forts que nous. Parce que nous, c'est facile pour nous. Nous, il y a les mosquées, les femmes sont couvertes, ainsi de suite. Vous êtes au milieu de tout ça, vous arrivez à combattre. Cette phrase-là, elle est fausse. D'accord ? Allah ne nous a pas dit de nous mettre au milieu du mal pour combattre le mal, mais de sortir du mal. D'accord ? Et justement, celui qui résiste, qui sort du mal, il est plus fort en réalité. Et le but de la force, c'est justement d'avoir la force, de se préserver. Et non pas de dire, je vais affronter mes démons, ou je vais affronter ça pour me prouver que je suis fort. Jusqu'au jour où tu vas glisser méchamment et tu vas dire, tu as fait une belle bêtise. Donc ne te dis pas que celui qui est, par exemple, qui est loin des femmes, dans son coin, c'est un lâche, et celui qui est au milieu des femmes, et d'après lui l'affronte, c'est un courageux. Non, c'est un fou. Celui-là, c'est un fou. Vous voyez ? La religion est là pourquoi ? Pour nous protéger. C'est pas un défi, hein. Comme les jeunes aiment bien faire, oh, défier la mort, défie pas le haram, mon frère. T'amuses pas à le défier le haram. C'est un jeu qui est très dangereux. Et c'est, en fait, c'est un peu prendre les attaques d'Allah Azzawajal en raillerie. Tu dis, moi, je peux essayer et tout. T'as peur pas d'Allah ? Ça, c'est des gens vraiment, ils craignent pas Allah Azzawajal. Donc cette mentalité, elle est fausse. De dire, ouais, vous, vous êtes plus forts parce que nous, on est protégés. Il faut se protéger, justement. Il faut se protéger. C'est ça, la religion. Et c'est ça, la facilité de la religion, c'est de te mettre dans une situation où tu es protégé. Sadisan, fad l'irfa al-sadaqa wa l'israr biha, liennahu akrabu ila l'ikhlas wa abad min riya. Ce qui montre le mérite de cacher une aumône, d'accord, car cela est plus proche de la sincérité et cela éloigne de l'ostentation. Sabi'an, fad l'ta'at al-sir al-kamal al-ikhlas fiha. Ce qui montre le mérite de l'obéissance intime. C'est-à-dire les choses que tu fais en toi que les gens ne voient pas. Car généralement, cela découle des gens qui sont sincères. Thaminan, fadilat al-bukha min khashyatillah, qui montre le mérite de pleurer par crainte d'Allah Azza wa Jal. Tasi'an, izbat zawal ou afwan nuzul al-shams yawm al-qiyama wa qurbiha min al-ibad fil mahshar hatta yablugha bihim al-araq. Wa kullu ala hasab 'amalihi illa man istathnahu Allah. Ce qui montre que le shams, le soleil, va se rapprocher yom la qiyama de nous, des serviteurs, le jour où il y aura le grand rassemblement, à tel point qu'on en transpirera, et chacun en transpirera, sera noyé dans sa sueur en fonction des actes qu'il aura commis en ce bas monde. Plus il aura été pieux, et moins il transpirera. Et plus il aura été loin de la piété, et plus il sera submergé par sa sueur. Hormis ceux à qui Allah Azzawajal aura exempté de cela, protégé de cela. Taïb. Je crois qu'on prend le troisième hadith, il est court, il est simple. Non, on va le prendre vite fait. Parce que la dernière fois, on n'a pas fait de ders pour rattraper le retard. Et c'est le 85e hadith du Kitab et le 5e de ce fasl intitulé Adab al-Islam. As-Salam, afwan. Adab al-Salam, le comportement pour passer le salam. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير متفق عليه. لا سمعنا كيف الجا. وفي رواية للبخاري يسلم الصغير على الكبير. لا أجت أبخلي. donc selon Abu Huraira il a dit النبي صلى الله عليه وسلم que celui qui est en monture passe au salam en premier à celui qui marche. Que celui qui marche passe au salam en premier à celui qui est assis. Et que le petit groupe passe le salam à ceux qui sont nombreux. Et dans une version de Bukhari, que le petit passe le salam au grand. Taïb. Donc ça c'est le comportement, savoir qui commence à passer le salam en premier lieu. Donc par exemple, toi t'es en voiture, quelqu'un marche, ou t'es en moto, ou t'es en vélo, quelqu'un marche, c'est toi qui passes le salam en premier. Allez. Ensuite, celui qui marche et qui voit quelqu'un qui est debout, je ne sais pas, il attend le bus ou autre, il fait la queue quelque part, c'est toi qui marches, qui as vu un tel, qui passe le salam en premier. D'accord ? Si vous êtes un petit groupe de frères, vous voyez un groupe de frères plus nombreux, donc vous êtes 2, 3, il y a un groupe de frères, ils sont 5, 6, 7, je ne sais pas combien, c'est le petit groupe qui, en premier, passe le salam au plus grand groupe. Et quand un jeune voit un plus âgé, d'accord, c'est lui qui commence à passer le salam. D'accord, le jeune passe le salam au plus vieux. C'est le comportement du salam. Après, des fois, dans l'élan, tu peux oublier. D'accord, des fois, tu vois un petit frère, « Eh, salam alaikum !» Tu as oublié. C'est pas grave. Des fois, vous êtes deux, vous voyez un frère passer le salam en premier. C'est pas grave. Mais ça, c'est moustahab, c'est mieux de faire cela. C'est plus complet. D'accord, c'est... Ne dites pas que celui qui fait cela, qui transgresse, il a fait un péché. Là, ça c'est un comportement, un noble comportement à avoir. C'est comme tout à l'heure le hadith de la sadaqa, caché. C'est mieux. Comme je dis, mais fais pas non plus le criminel qui se cache pour faire un crime. C'est enfin une sadaqa, mon frère, c'est un acte noble. Donc si jamais tout le monde te voit, c'est pas grave. Ne stresse pas, c'est pas moi, c'est ne psychote pas. C'est pas grave, t'as fait ta sadaqa et Allah Azzawajal dit c'est ce que t'as fait. Donc Donc ce hadith, il est, voilà, il est tout simple. Et en lui-même, il est clair. Pas besoin de ziyada. Fi sharh alayhi. فنكتفي بالقدر سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته